On a grandi comme les princes de la ville, fou comme prince de Bel Air. Flow Corvette Ford Mustang, dans la légende. La police d'une à 6 étoiles, a toujours se dire Bellec. Trop gentil comme Cody, sentiment dans la salle du temps. Il était une fois deux frères, deux faux, deux trous dans le cerveau, poteau de père. Conditionné au fond d'un hall sur une chaise. Emprisonné des rêves qui brisent plus d'une chaîne. Esprit de gosse caché derrière le fait. Pris d'ambition en stagnant devant LV. Salaire de bas que chaque soir dans les Nike. Bénéf de la beuh qui part dans le mic. On a grandi comme les princes de la ville, les rois du hall. Dans le ciel pas plus d'une étoile, en face du trône. Des grammes, des kills de peine mènent dans le bel. Deux frères, deux fauves, le M. Grandi dans le zoo, je suis vélécré dans la jungle, pas de grand frère. Papa nous a cogné tête contre tête, nous a dit je veux un amour en fer. Je veux personne d'entre vous, même pas moi, même pas les anges de l'enfer. J'ai aimé mon frère plus que ma vie, comme me l'a appris mon père. Chaque rêve, chaque cauchemar, chaque ennemi, chaque euro partagé. Et à part les nombres de cicatrices, rien ne va changer. Même dans le même miroir, on s'est regardé. Et même dans les mêmes trous noirs, on s'est égaré. Quand on était petits, on avait les mêmes sables, plus grands, les mêmes armes.